إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 28 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et on avait commencé avant les séminaires du mois de mai avec le chapitre qui s'intitule Babun Zikru Tamanni al-Ma'siya wal-Hirs alayha. C'est-à-dire le rappel de, c'est-à-dire le chapitre de la mention de souhaiter le péché. Hein, la, qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de souhaiter le péché et de faire des efforts pour commettre le péché. Donc ça c'est grave, ça fait partie des kaba'ir, de souhaiter le péché et de faire des efforts pour commettre un péché, hein, d'avoir le désir ardent de vouloir commettre le péché. Et le cheikh il avait mentionné le hadith qui mentionne que lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée, eh bien dans ce cas-là, celui qui a tué et celui qui a été tué sont dans l'enfer. Les deux sont dans l'enfer. Si deux musulmans se rencontrent avec leurs armes et que un tue l'autre, c'est pas seulement celui qui a tué qui sera en enfer, c'est celui qui a été tué aussi. Et donc les sahabes ont demandé au messager d'Allah. On comprend que le tueur, hein, le meurtrier, il soit en enfer. Mais pourquoi la victime, pourquoi celui qui a été tué, lui aussi doit aller en enfer? Et il a répondu innahu kana harisan ala qatl sahibihi, innahu kana harisan ala qatl sahibihi. C'est-à-dire que celui-là qui a été tué, lui aussi il avait le désir ardent de vouloir tuer son compagnon. C'est juste que c'est pas lui qui a réussi, c'est l'autre, hein? Comme on dit tuer ou être tué. Et tuer, c'est toujours pire qu'être tué. Je me rappelle quand j'étais au cégep, si on dit cégep, c'est comme le lycée, les profs de philosophie nous posaient toujours la question. Écrivez une page sur le sujet suivant. Est-ce que vous aimeriez mieux tuer ou être tué? Et là, il fallait répondre et donner des arguments pourquoi on préférerait tuer ou être tué. Et bien entendu, si tu es un mu'min, si tu es un croyant, tu ne vas pas répondre de la même manière que quelqu'un qui est kafir, quelqu'un qui est athée, qui ne croit pas en l'au-delà. Celui qui ne croit pas en l'au-delà, il ne croit pas qu'il y a quelque chose qui va être établi comme justice ou rétribution au jour de la résurrection pour établir la justice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le croyant, il croit en Allah, il croit en sa justice. Et donc le croyant il sait que c'est mieux d'être tué que de tuer injustement quelqu'un. C'est mieux d'être tué que de tuer injustement quelqu'un. Et le cheikh il a expliqué, il a expliqué que yani, quand les deux avaient la détermination de tuer l'autre, c'est comme si à cause de leur intention et du fait qu'il avait le désir ardent de tuer l'autre, donc c'est comme si ils avaient fait le péché également. Il a expliqué aussi qu'il dit: وَإِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا نَهَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَنَهَى الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ فَقَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَالْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا الْكُفْرُ الْأَصْغَرُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَقَاتَلَ وَلَا لا يجوز لماذا لأنهما إخوان في الإسلام. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit que les musulmans se tuent les uns les autres et se combattent les uns les autres, et il a exprimé ça dans plusieurs hadiths, comme le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel il dit: d'insulter le musulman c'est une perversité, mais de le tuer, c'est de la mécréance. D'insulter le musulman, c'est de la perversité. Mais de le tuer, c'est de la mécréance. Et dans un autre hadith, il a dit: ne retournez pas après moi à la mécréance en vous frappant le cou les uns des autres. C'est-à-dire en vous tuant les uns les autres. Et qu'est-ce qu'il a voulu expliquer ici? Ne redevenez pas mécréant après moi. Le cheikh il explique ici que quand il dit que de le tuer c'est de la mécréance, ou bien ne redevenez pas mécréant après moi, c'est la mécréance mineure, le kufr mineur, et non pas le kufr majeur. Parce que le meurtre c'est un des grands péchés, mais ça ne fait pas partie des annulatifs de la foi et de l'islam. Ça veut dire que c'est un péché parmi les grands péchés, mais ça ne fait pas quitter l'islam. C'est pas une mécréance majeure, hein? C'est une mécréance mineure. Lorsque quelqu'un tue, ça ne le fait pas sortir de la foi complètement. Ça diminue sa foi, ça affecte sa foi. Pardon, mais ça ne le fait pas sortir complètement de la foi. Tandis que si il rend licite le meurtre, c'est-à-dire qu'il prétend que de tuer c'est halal, ça c'est kufr. De croire que le meurtre est halal, ça c'est kufr. Même si tu n'as jamais tué personne. Si tu dis par exemple: oui, j'ai le droit de tuer si je veux, ça c'est halal tuer. Je peux tuer quel musulman, n'importe quel musulman que je veux, n'importe quel kafir que je veux. Ça c'est kufr, parce que tu le rends halal. D'accord? Mais si la personne, elle commet un meurtre, hein, et qu'elle croit que ça c'est haram, puis qu'elle a commis un péché, dans ce cas-là, elle n'est pas sortie de l'islam. Hein. Et il dit: voilà, il y a douze. Donc il dit: c'est pas permis que deux musulmans se combattent les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont des frères dans l'islam. Il dit: فَإِذَا حَدَثَتْ فِتْنَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَالْوَاجِبَ السَّعِي لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِخْمَادَ الْفِتْنَةِ. Donc il dit: quand il y a, par exemple, une fitna entre les musulmans, un trouble, ou des problèmes, des tribulations, des guerres entre les musulmans, qu'est-ce qui doit y arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va dire qu'il y a deux pays musulmans qui rentrent en guerre l'un contre l'autre. C'est quoi l'obligation des musulmans dans ce cas-là? Ou bien il y a une guerre civile dans un pays musulman. Deux fractions, hein, sont en guerre l'une contre l'autre dans un même pays musulman. Les deux sont musulmans, les deux ils font la prière, les deux ils font le ramadan. Les deux, ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce cas-là? Ils disent, le cheikh, il dit, l'obligation, c'est de faire les efforts pour arriver à faire la réconciliation entre ces deux groupes. Et de faire éteindre le feu de la fitna. Et donc, le cheikh, il dit « وَإِذَا اقْتَضَ الْأَمْرُ أَن نُقَاتِلَ الْفِئَةَ الَّتِي لَا تَقْبَلَ الْحَقِّ قَتَلْنَاهَا كَفًّا لِشَرِّهَا ». Il dit, si ça nécessite, dans ce cas-là, pour qu'on arrive à arrêter cette fitna, ça implique de notre part qu'on doit combattre le groupe qui ne veut pas accepter la vérité, dans ce cas-là, il faut combattre le groupe qui refuse d'accepter la vérité pour les arrêter de faire le mal, pour les forcer de cesser à faire le mal. Et il mentionne comme preuve à ce sujet-là le verset 9 dans Sourate Al-Hujurat. dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Donc le cheikh il explique que si, ce verset hein, c'est la preuve à ce sujet là ça dit ce qui signifie et si deux groupes parmi les croyants se combattent les uns les autres alors faites la réconciliation entre eux, entre les deux. Mais si un de ces deux groupes là après avoir essayé de faire la réconciliation transgresse contre l'autre et fait, il refuse de s'arrêter, alors combattez celui qui continue et qui veut faire de la transgression jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revienne à l'ordre d'Allah par la suite, alors réconciliez-les en toute justice et soyez justes, car Allah aime les justes. Les croyants ne sont que des frères. Alors faites la réconciliation entre vos frères et craignez Allah pour que vous puissiez obtenir la miséricorde. Oui, mais comme tu dis toi-même, en principe, ils n'ont pas le droit de faire la guerre contre le dirigeant. Il ne peut pas y avoir deux groupes qui se font la guerre, en principe, dans l'islam. Mais il y a des choses comme ça qui se produisent, qui sont contraires à l'islam. Et qui, tu vois, soit qu'un groupe, par exemple, ils n'aiment pas le dirigeant, ils veulent se révolter contre lui, donc ils veulent faire la guerre contre le dirigeant. Donc des fois on les appelle al-burat. Hein? Eux, ils veulent combattre pour prendre le pouvoir. Et il y en a d'autres qui combattent le dirigeant, qui sont les khawarij. Hein? Ils font le takfir des dirigeants, puis ils les combattent. Ok? Et donc c'est ça la différence entre al-burat et al-khawarij. Al-burat, oui, burat. Al-burat, c'est ceux qui combattent le dirigeant sans nécessairement le déclarer kafir. Ils le combattent pour d'autres raisons, pour le pouvoir, ou pour l'argent, ou pour des choses comme ça, de la dunya. Hein? Ou bien des fois, c'est deux groupes parmi les musulmans qui se combattent, comme deux tribus. Hein? Deux tribus dans le même pays qui ne s'aime pas, hein, ou qui veut écraser l'autre. Le dirigeant, il les arrête hein, pour faire la réconciliation entre eux, puis pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour pas qu'il y ait la fitna. Et Allah, donc, ensuite, le cheikh il dit, « Wa min huna la yajuzul qital bayna al-muslimin. » Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas permis pour que les musulmans se combattent entre eux. وإن حصل فالواجب السعي لإصلاح ذات البين وكف بعضهم عن بعض. Et si il y a jamais une guerre qui se produit entre les musulmans ou un combat entre des musulmans, eh bien l'obligation dans ce cas-là c'est de faire tous les efforts possibles pour faire la réconciliation entre eux pour que les uns cessent d'agresser les autres. فإن لم يجدي الإصلاح فتقاتل الفئة التي لم تقبل بالإصلاح حتى ترجع عن غيها. Donc le cheikh il dit si toutes les négociations, les diplomaties, tout ce qu'on essaie de faire pour les arrêter, pour les faire arrêter de faire la transgression, ça marche pas. On a tout essayé pour les hein, pour les faire en sorte que yani ils fassent la paix puis qu'ils cessent de s'agresser les uns les autres, mais ça marche pas. Il y a un groupe qui veut absolument continuer à attaquer l'autre. Alors dans ce cas-là, il faut combattre ce groupe-là qui ne veut pas cesser, jusqu'à ce qu'il revienne de sa déviation. Et il dit, c'est ça qu'on appelle le fait de combattre les bourrates, ce qu'on appelle qital al-bourrat. Ok? Et ça, c'est un chapitre qui a été mentionné par les ulama dans les livres de fiqh. Il y a un chapitre qui s'appelle يعني قتال البغات hein, combattre les bourrats, c'est-à-dire ceux qui font al-bari, la transgression contre les musulmans, contre d'autres musulmans. Après le cheikh il dit عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه ورجل أتاه الله علما ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهما في الأجر سواء ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله ولا يدري ما له مما عليه ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان فهما في الوزر سواء وصححه الترمذي. OK, donc ça c'est un hadith qui est très intéressant. C'est un hadith qui est rapporté par Ahmad dans la Musnad et de même que l'imam Ibn Majah dans son Sunan ainsi que l'imam At-Tirmidhi qui l'a authentifié. Et c'est rapporté selon Kabsha al-Anmari. Et il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de cette umma est comparable à quatre hommes, c'est-à-dire quatre sortes d'hommes. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et de la science. Et il agit dans son argent selon sa science. Il agit dans son argent selon sa science. Donc il a de l'argent, il a de la science et il utilise son argent avec la science de la religion qu'il a. Donc il l'utilise dans le bien. Il gagne son argent dans le halal, il l'utilise dans qu'est-ce qui est halal. Donc ça c'est le meilleur exemple. Un autre homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la science, mais lui a pas donné de l'argent. Donc il est pauvre. Et il dit, si Allah m'avait donné l'argent d'un tel, j'aurais fait la même chose que ce qu'il a fait de bien. Alors, il a de la science, donc il sait qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et donc il dit, si j'avais la même argent qu'un tel qui est parmi les musulmans qui ont de la science et qui ont de la connaissance et qui ont de l'argent et qui font du bien avec, j'aurais fait la même chose. Hein? Ceux qui donnent leur argent par exemple pour construire des mosquées, des écoles, des universités, des choses bénéfiques pour les musulmans, des puits ou des choses de ce genre. Hein? Acheter des masahif pour les gens, acheter de la nourriture pour les pauvres, ainsi de suite. Donc lui, il dit, moi, si j'avais la richesse de celui-là, j'aurais fait ça. Moi aussi, j'aurais fait le bien avec mon argent. Eh bien, il dit, Allah leur donne à tous les deux la même récompense. Parce qu'il a l'intention, s'il avait l'argent, de faire le bien avec. Et il dit, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de l'argent, mais ne lui a pas donné de la science. Alors, il fait n'importe quoi avec son argent, et il ne sait pas qu'est-ce qui est en sa faveur et qu'est-ce qui est contre lui. Hein? Et un autre exemple, donc pourquoi? Parce qu'il n'a pas de science. Il a de l'argent, mais il n'a pas de science, donc il fait n'importe quoi. Et un autre homme, Allah lui a donné ni de l'argent, ni de la science. Alors, il dit, étant donné qu'il est pauvre, il dit, si j'avais l'argent, comme un tel a de l'argent, eh bien j'aurais fait la même chose que lui dans le péché. Hein? Il gagne son argent dans le haram, il dépense dans le haram. Il a dit j'aurais fait la même chose que lui. Alors ils sont égaux dans le péché. Donc des fois, même si par exemple tu n'as pas fait un péché toi-même, mais le fait de vouloir le faire et de le souhaiter, c'est comme si tu avais le péché de l'avoir fait aussi. De même que si tu n'a pas fait le bien, mais tu aurais souhaité le faire, hein, eh bien, tu auras la récompense pour ton intention, même si tu ne l'as pas fait. Ça, c'est ce qui montre l'importance de l'intention. Et le cheikh, il dit, « وَهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ أَنَّ مَنْ تَمَنَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَهْلِ الْخَيْرِ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِمْ » Il dit, dans ce hadith, il y a le fait que si quelqu'un souhaite faire partie des gens du bien, alors il sera ramené avec eux, avec les gens du bien. Hein? il les rejoint, il va les rejoindre. وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ مِثْلَ عَمَلِهِمْ لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ. Malgré qu'il n'a pas fait la même valeur d'actes, la même quantité de bonnes actions que eux, que les gens du bien, à cause de son incapacité à le faire, eh bien il aura la même récompense qu'eux. Et il dit فَهُوَ يَلْحَقُ بِهِمْ بِنِيَّتِهِ. À cause de son intention, il va les rejoindre. Hein? Il va être avec eux. Il dit فَلَوْ تَمَنَّ الْفَقِيرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا عِنْدَ الْغَنِيِّ مِنَ الْمَالِ كَيْ يَتَصَدَّقُ مِثْلَ الْغَنِيِّ لَكَانَ مِثْلُهُ فِي الْأَجْرِ. Donc tu vois que Allah il fait pas d'injustice. Hein? Quelqu'un il dit ah mais moi je suis pauvre, j'ai pas d'argent, je peux pas faire le bien, je peux pas donner comme les riches, eux ils donnent beaucoup d'argent pour le bien. Hein? Ça c'est pas, hein? Allah il a pas fait l'injustice, parce que si ce pauvre il dit par exemple moi j'aimerais ça avoir la même quantité d'argent que ce riche pour que je puisse donner en sadaqa comme le riche, eh bien il aura la même récompense que lui, il sera égaux avec lui dans la récompense à cause de son intention. وكذا رجل لم يؤتيه الله علما ويتمنى ان يكون مثل العالم الذي يعلم الناس ويرشدهم لكنه لا يملك الإمكانية فإنه يؤجر على نيته. Il dit par exemple la personne qui Allah lui a pas donné de la science, mais il voit le savant, il voit la personne qui fait l'enseignement et qui oriente les gens qui ont de la science, et il dit oh j'aurais aimé être comme ce savant, posséder toute cette science pour pouvoir montrer aux gens le bien, enseigner aux gens la religion d'Allah et orienter les gens. Mais je n'ai pas été capable et je n'ai pas eu la possibilité. Il aura la même récompense que lui. Il aura la même récompense que lui à cause de son intention. Il dit وعلى العكس إن الذي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر لو استطاع يعني يكون مثلهم في الإثم فكأن يكون مثل الرجل الغني الذي يبذر في المعاصي والسيئات فيقول لو أن لي مثل ماله لعملت مثله فهو واقع في الإثم مثله والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit le contraire est également vrai. Le contraire de ça est vrai également. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaite être parmi les gens du mal, s'il aurait la possibilité ou la capacité de faire le mal comme eux et le péché comme eux, comme par exemple de dire « j'aimerais avoir autant d'argent que ce riche qui gaspille son argent dans les péchés et dans la désobéissance, dans les casinos, la débauche ou toutes sortes d'autres péchés », il dit « ah moi j'aimerais ça être comme lui et faire ça hein ». Alors, il aura la même punition que lui. Il aurait la même punition que lui. Parce qu'il dit, si j'avais la même chose que lui, j'aurais fait la même chose. A'udhu billah. Ça, c'est un hadith qui est rapporté, c'est par Ahmad ibn Majah et At-Tirmidhi, selon Abi Kabsha al-Anmari. Et en passant, il y a beaucoup de hadiths dans cette signification là il y a beaucoup de hadiths dans ce sens là dans la sunna. Le cheikh il dit فهذا دليل على ان تمني المعصيه يلحق الذي تمني المعصيه يلحق الذي تمناها بمن فعل المعصيه. C'est-à-dire que ça c'est la preuve que le fait de souhaiter le péché, ça fait que la personne qui a souhaité de faire le péché rejoigne ça le fait rejoindre celui qui a en effet le péché lui-même. Non. C'est-à-dire de le souhaiter avec la langue ou bien de le souhaiter avec le cœur aussi. Hein? Parce que mais des fois tu ne le dis pas ouvertement, mais dans ton cœur tu le dis. C'est-à-dire qu'avec ta bouche, tu ne vas pas dire, ah, j'aimerais ça avoir le péché, faire le péché comme lui, avoir de l'argent comme lui pour pouvoir faire toutes sortes de choses haram. Tu ne le dis pas ouvertement, mais dans ton cœur, tu le souhaites. Allah, il le sait. Hein? Donc ça, c'est grave. Et il y a un autre hadith qui explique que... Il y a un autre hadith qui est dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, qui dit que lorsque quelqu'un fait... a l'intention de faire une bonne action mais qui n'est pas capable de le faire, il a quand même une bonne action, puis que s'il l'a fait, il aura 10 fois plus ou même 100 fois plus, 700 fois plus selon sa sincérité et son intention, hein? Tandis que celui qui a l'intention de faire un péché puis qu'il ne le fait pas, pas parce qu'il ne peut pas le faire ou parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais parce que il par la crainte d'Allah, il décide d'arrêter et de ne pas le faire. Eh bien, lui, Allah lui écrit une bonne action. Au lieu de lui écrire un péché, il lui écrit une bonne action. Pourquoi ? Parce qu'il a abandonné le péché par crainte d'Allah. Tandis que celui qui, par exemple, voulait faire le péché, mais à cause du qadar, il a été empêché de le faire. Hein ? Par exemple, il voulait aller... par exemple, dans un endroit haram, mais il arrive pour sortir, il voit un gros orage dehors, beaucoup de pluie, il dit, ah, je vais pas sortir, il pleut dehors. C'est pas par crainte d'Allah qu'il s'est abstenu d'aller, c'est parce que, yani, il y avait de la pluie, il y a quelque chose qui l'a empêché. Hein? Donc, dans ce cas-là, il n'aura pas une bonne action pour avoir cessé de le faire. Mais il aura le péché. Il aura le péché. Pourquoi ? Parce qu'il avait souhaité le faire et il a été incapable de le faire, pas à cause de la crainte d'Allah, mais à cause de quelque chose parmi les choses qui ont été prédestinées par Allah. Dans ce cas-là, oui. Et c'est pour ça que dans ce chapitre, le cheikh il explique que de souhaiter le péché, ça fait que tu vas être puni avec la personne qui le fait, ce péché-là. Pourquoi ? Parce que la personne, elle est empêchée de le faire, pas parce que elle a la crainte d'Allah, mais parce que elle n'a pas la possibilité ou la capacité d'avoir les mêmes moyens que l'autre de le faire. Hein? La personne, elle est pauvre, c'est pour ça qu'elle ne peut pas se permettre de faire les mêmes péchés que l'autre qui était riche. Mais si le lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la richesse, il apprend par exemple que un de ses proches est mort et il lui a laissé un gros héritage, hein, des millions de dollars. Là, tout d'un coup, il a la même hein, richesse que l'autre. Là, maintenant, il dit, ah bon, je souhaitais de faire le péché comme lui, je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas les moyens. Maintenant, je suis devenu riche comme lui, donc là, je vais être capable de le faire. Hein? C'est ça la différence. C'est la différence, c'est qu'est-ce qui l'a empêché de faire le péché? Si c'était la crainte d'Allah, la foi qui l'a empêché de faire le péché, dans ce cas-là, il aura la récompense au lieu du péché. Et s'il avait la mauvaise intention de faire un péché, puis qu'il l'a fait, eh bien Allah le punit pour un seul péché, pas pour... Hein, il ne multiplie pas la valeur de ce péché. Tandis que la bonne action, Allah multiplie sa valeur de 10 fois plus ou jusqu'à 700 fois plus ou plus encore. Tandis que le péché, non. Allah, il est miséricordieux et il est généreux et il est juste. Il punit le péché pour un péché. Mais il récompense la bonne action en multipliant la valeur par sa grâce pour tout le monde. Ben, c'est-à-dire que le kafir, il n'a pas de bonne action. Le kafir, il n'a pas de bonne action. Tu comprends? Au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va transformer ses œuvres en poussière, le kafir. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. L'exemple du mécréant, ses œuvres sont comme un mirage. Il marche dans le désert, il voit de l'eau au loin, il pense que c'est de l'eau, il arrive, il trouve rien, c'est du sable. C'est ça les œuvres des mécréants. Et dans l'autre exemple, il dit karamad, comme de la poussière qui a été violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Oui, ça c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala récompense le kafir dans cette dunya. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran lorsqu'il dit Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Donc celui qui désire ou ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, hein, sans que rien ne leur en soit diminué. C'est ça le verset. Puis après il dit, Allah il dit dans le verset qui suit après, Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux-là sont ceux qui n'auront rien d'autre dans l'au-delà que l'enfer. Le verset 15 dans sourate Hud. Et l'autre verset, c'est un autre sourate. Donc c'est ça. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Celui qui désire la vie présente avec sa parure, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. On leur remettra la récompense des actions qu'ils ont faites sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là sont ceux qui n'auront rien d'autre dans l'au-delà que l'enfer. Donc, ils auront des bonnes actions pour les bonnes œuvres, ils auront des récompenses pour les bonnes œuvres qu'ils ont faites dans cette vie d'ici-bas. Par contre, dans l'au-delà, ils auront juste l'enfer. Hein? Ils n'auront pas de récompense pour qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Donc les koufars, par exemple, qui donnent en charité, qui donnent de l'argent aux pauvres, qui aident les malades, qui sont généreux, qui font toutes sortes de bonnes choses, eh bien, ils n'auront pas de récompense dans l'au-delà. Mais ça se peut qu'Allah les récompense dans cette vie, par toutes sortes de bonnes choses. Hein? Donc c'est ça l'explication. Après, le cheikh, il dit... وقوله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه وهذا الذي يراه رجل آخر ليس عنده مال وعنده علم ولكنه يتمنى ليس عنده مال وعنده علم لكنه يتمنى أن يكون مثله لو استطاع فهذا Donc c'est ça, le cheikh il résume les différents cas, celui qui a de l'argent et qui a de la science et il dépense dans le bien son argent. L'autre qui a de la science mais qui n'a pas d'argent, il souhaiterait être comme lui, il aura la même récompense. S'il avait la capacité de le faire, il ferait la même chose que lui, Allah lui donne la même récompense. Et l'autre, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la science, mais a donné de l'argent, mais lui a pas donné de la science, donc il n'utilise pas son argent correctement. Et il ne sait pas qu'est-ce qui est pour lui et qu'est-ce qui est contre lui. Et donc, étant donné qu'il n'a pas de science, il fait n'importe quoi. Et quelqu'un d'autre qui n'a ni de l'argent, ni de la science, eh bien, celui qui espère être comme lui, il va avoir le même péché que lui. لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان هذا يعني كان يتمنى أن يكون مثله في الشر فيكون في الإثم مثله لقوله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء ففي هذا دليل على أن تمني المعصية يلحق صاحبها بأهل المعاصي ولو لم يعمل المعصية عجزا ولكنه دخل في ذلك بحسب نيته. Donc ça veut dire que même toi t'as pas commis le péché, mais tu auras la même punition que celui qui l'a fait parce que tu l'as souhaité et que t'as été empêché de le faire. Hein? Il y a quelque chose qui t'a empêché de le faire, donc tu vas être avec lui dans le péché. En fait, l'autre hadith que tu mentionnes, c'est le hadith de celui qui a de la science et qui l'enseigne et que quelqu'un, il n'a pas cette science, il aimerait pouvoir lui aussi faire ça, s'il l'avait. Allah va lui donner la récompense, comme s'il l'avait fait. Et l'autre, c'est celui qui a de l'argent, il le dépense dans le bien, et il aurait aimé, s'il avait lui aussi cet argent-là, de faire la même chose. Et Allah, il va lui donner la même récompense à cause de son intention. C'est ça le hadith. Ensuite, le cheikh, il dit, bon, supposons par exemple, quelqu'un, il est handicapé. Ok, il est handicapé. Puis, il voudrait par exemple partir par exemple pour défendre la cause de la religion de l'islam lorsqu'il y a un combat pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis que lui, il est incapable physiquement, mais qu'il a de l'argent. Donc au lieu de le faire, et tandis qu'il ne peut pas, il a l'intention, mais à la place, il donne de l'argent. Hein? Donc il a la même récompense, même si lui, il n'est pas capable de le faire. Après, le cheikh, il dit, « Wabab al-raib, bab al-raib. » Il dit, « قول الله تعالى, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. » وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها إلى قوله وما نحن بمستيقنين. Donc le cheikh il cite des versets au sujet de al-rayb. Qu'est-ce que signifie Ar-Raib? Ar-Raib, ça signifie le doute. Et le doute, c'est-à-dire de douter de la religion, de douter de la foi, de douter en la résurrection, de douter au jour du jugement dernier ou des choses comme ça. Ar-Raib, Ra-Ya-Ba. Oui. Al-Raib, Raib, c'est pas la même chose. Raib, c'est avec un Raib. Et dans ce cas-là, c'est l'invisible. Donc, al-raib ou al-raib, c'est deux mots qui sont semblants dans la prononciation ou dans la façon qu'on le prononce, mais c'est totalement différent. C'est deux mots totalement différents. Naam. Et donc, le premier verset que le cheikh il a cité, c'est le verset 15 dans Surat al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas douté. Qui n'ont pas douté. Le verset ensuite qu'il a cité, c'est le verset 4 et 5 dans Surat al-Baqarah, à la suite des versets qui dit « Dhalika al-kitab la rayba fi ». Ceci est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Une guidance pour les pieux. Ceux qui croient en... Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les pieux, il dit, ceux qui croient en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi et qui sont convaincus de l'au-delà, ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur et ceux-là seront ceux qui ont le succès, qui auront le succès. Et l'autre verset que le cheikh il a cité, c'est les versets 32 dans Surat al-Jathiyah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos des gens, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Donc les croyants, ils vont dire aux non-croyants, lorsque les croyants disent, ou lorsque les prophètes disent aux non-croyants que la promesse d'Allah est véridique, et que l'heure du jugement, il n'y a pas de doute à son sujet, eux, ils ne croient pas en ça. Et c'est le verset 32 qui dit وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. C'est-à-dire, et quand on disait la promesse d'Allah est vérité et l'heure n'est pas l'objet de doute, vous disiez, nous ne savons pas ce qu'est l'heure. C'est-à-dire, l'heure du jugement dernier, nous on ne sait pas c'est quoi l'heure du jugement dernier. Et nous ne faisons à son sujet que de simples conjectures. C'est-à-dire, ils disent, ah, c'est possible que ça va arriver, mais on n'est pas sûr qu'il y aura un jugement dernier pour de vrai. Et ils disent, nous ne sommes pas convaincus qu'elle arrivera. Donc, on n'est pas convaincus que ça va venir. Peut-être. C'est une possibilité. Et ça fait penser à quoi? Ça fait penser à ce qu'ils appellent le pari de Pascal. Vous avez entendu parler du pari de Pascal? Tu connais le pari de Pascal? Hakim, hein? Un homme cultivé comme toi. Hein? Barakallahu fik. Non, c'est une idée que ce philosophe, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que c'est préférable d'être croyant que de ne pas l'être. Parce que si tu es croyant, puis qu'après la mort, il y a quelque chose vraiment, un paradis, donc au moins tu vas y aller. Tandis que si tu n'es pas croyant, puis que tu meurs, puis que c'était vrai, bon là, tu n'auras rien. Hein? C'est ça. Donc en réalité, ça, cette attitude-là, c'est l'attitude de celui qui doute. Et ça, c'est du kofr dans l'islam, c'est de la mécréance de douter. Pascal, le pari de Pascal. Ouais. Donc on n'a pas le droit d'avoir cette attitude-là, de prendre la religion comme une police d'assurance, comme ils disent les koufars. Il y en a qui disent, ils prennent la religion comme une police d'assurance, au cas où. Au cas où ce serait vrai. Non, non. Quand tu dis que tu crois en Allah, tu dois croire en Allah avec certitude. Pas avec, les doutes pour dire, oh, ça se peut que c'est vrai, donc je vais prendre des précautions, puis je vais prétendre à la foi. C'est comme l'exemple, aussi il y a un verset comme ça, dans Surat Al-Kahf. Hein? Et je vous avais mentionné ça l'autre fois. Le verset 39 et 40, il dit « Wa laula idh dakhalta jannataka qulta ma sha idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. » Non, c'est ça. Et c'est la personne, il dit « Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi » le verset 35 dans sourate Al-Kahf. Il dit « Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. Donc c'est pour dire ici que l'homme, il avait يعني des jardins, puis il rentre dans son jardin, il est coupable envers lui-même par sa mécréance, et il dit, je ne pense pas que ceci périra jamais, et il dit, je ne pense pas que l'heure viendra. Je ne crois pas qu'il y aura l'heure du jugement dernier. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur que ce, hein, meilleur lieu de séjour que ce jardin. C'est-à-dire, au cas où c'était vrai qu'il y avait un paradis ou un au-delà, eh bien, je trouverai quand même mieux que qu'est-ce que j'avais dans ce jardin. Et son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire, cette attitude de doute envers la foi, elle n'est pas acceptable. Tu n'as pas le droit, hein, de prendre la religion de cette façon. Il faut que tu sois certain. Il faut que tu sois convaincu en ta foi. Et le... Pardon. Oui, le raib, c'est une forme de kofr. De douter. Non, majeur. Oui, si tu doutes en la foi, c'est comme si tu n'avais pas de foi du tout. Hein? Et donc le cheikh dit wa raib huwa shak. Et les ulama, quand ils parlent des formes de kufr, ils disent que la mécréance peut venir par une parole, par une action, par une croyance ou par le doute. Ash-shak. C'est-à-dire, tu peux faire un acte qui te fait sortir de la foi. Tu peux dire une parole qui te fait sortir de la foi, et tu peux avoir une croyance qui te fait sortir de la foi, et par le doute également. Le fait de douter en la religion d'Allah ou en quelque chose qui est relié à la religion et qui est confirmé. Donc il dit, le cheikh dit, الرايب هو الشك فالأصل في المؤمن أن لا يكون عنده شك ولا يكون مترددا في إيمانه وإنما يكون صادق الإيمان. Donc الرايب, ça veut dire le doute. Et la base, c'est que le croyant, il doit ne pas avoir de doute et ne pas être hésitant dans sa foi. Et il dit, وَإِنَّمَا يَكُونُ صَادِقَ الْإِيمَانِ. Il doit être sincère et véridique dans sa foi. أَمَّا الَّذِي عِنْدَهُ الشَّكِّ وَتَرَدُّدُ فَهَذَا لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا. Celui qui a des doutes, celui qui a de l'hésitation dans sa foi, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Il dit, وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, les croyants sont uniquement ceux qui croient en Allah et au messager, puis qui ne doutent point. فهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أتبعوا هذا بالعمل. قال كما قال في الآية نفسها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, ils ont cru en Allah et au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ont fait suivre cela par des actions, par des œuvres. Comme le verset lui-même le dit. Le verset dans Surat Al-Anfal, et ils ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ay harabu al-kuffar wa'addu al-quwwata liqitalihim bi'amwalihim wa anfusihim li'i'la'i kalimatillahi wa nusratiddin. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'ils ont combattu, ils ont fait la guerre aux kuffars, et ils ont préparé la force nécessaire pour les combattre avec leurs biens, leur argent, et avec leurs personnes, dans le but que la parole d'Allah soit élevée, soit au-dessus de tout, de toute autre parole, et dans le but de défendre la religion d'Allah. Et ça c'est le signe de la sincérité de leur foi. Ça c'est le signe de la sincérité de leur foi, oui. Le verset 72. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Puis aussi dans le verset dans Surat Al-Hujurat, aussi même c'est mentionné après. Dans le verset 15. Ouais. Et il dit, أَيْ حَرَبُوا الْكُفَّارِ. Donc ça on l'a lu. Et après il dit, فَلَيْسَ الْإِيمَانُ مُجَرَّدَ النُّطْقِ فَقَطْ. ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئة وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل. Il dit que la foi c'est pas juste une parole que tu dis seulement avec la langue. C'est oui, moi je suis croyant, je crois. Non, il faut que ce soit suivi par des actions. Il dit parce que la foi elle est composée des paroles, de la croyance, de la parole et des actions. C'est pas juste quelque chose qui est dans le cœur, comme le disent les Murji'a, la secte des Murji'a qui disent non, la foi c'est juste dans le cœur. Même si tu pries pas, t'es croyant. Même si tu jeûnes pas, t'es croyant. Même si tu fais tous les péchés du monde, t'es croyant. Et ta foi est égale avec la foi des prophètes, des anges. Même si tu fais les plus grands crimes, c'est pas grave, ça affecte pas la foi. Je suis pas sûr, mais en tout cas. Eux, de toute façon, ils n'ont pas de foi. Alors, ça ne changera rien pour eux. Ils sont des chrétiens. Donc, même s'ils disent, ils diraient la parole des Murji'a, la plupart des chrétiens sont des Murji'a, de toute façon. Malgré qu'il y en a qui savent. Parce que je me rappelle, même il y a des versets dans la Bible qui disent que la foi sans les œuvres, ça vaut rien. Ça, c'est mentionné. Même chez les chrétiens, ils disent ça. La foi sans les œuvres, ça sert à rien. Et donc, c'est une vérité. Mais il y a ça chez les soufis. Il y a ça chez les soufis. Et il y a ça chez. De façon générale, ils disent la foi c'est dans le cœur. Quand tu dis à quelqu'un qui ne fait pas la salat, fais la salat. Il dit Al-Iman fil qalb. La foi c'est dans le cœur, je n'ai pas besoin de prier. Ma foi elle est forte. Elle est dans mon cœur, moi je suis sincère. Et même parfois ils vont se permettre même de dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui prient. C'est, eux ils prient mais ils font des péchés, moi je prie pas, au moins je suis pas hypocrite. C'est parce qu'ils ont pas compris la signification de l'hypocrisie et ils pensent que de pas prier c'est pas une hypocrisie. De pas crier c'est pas une hypocrisie. Tu dis que t'es croyant mais tu obéis pas à Allah, ça c'est pas de l'hypocrisie ça, hein? Allah musta'an. Donc il dit وإنما الإيمان قول وعمل واعتقاد. La foi c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une action du corps. ولا يكون المؤمن مجاهدا في سبيل الله إلا إذا أخلص نيته وكان قصده إعلاء كلمة الله. Donc il dit que la personne, pour qu'elle soit considérée comme quelqu'un qui est un mujahid, c'est-à-dire qu'il lutte, qu'il pratique le djihad et qu'il lutte dans le sentier d'Allah, il faut qu'elle soit sincère dans son intention. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait purifié son intention pour Allah seul. Et que son intention soit d'élever, uniquement d'élever la parole d'Allah au-dessus de toute autre parole pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et quand on parle de djihad, bien entendu, encore une fois, on le mentionne, c'est pas le qu'est-ce que font les groupes d'égarement parmi les groupes de khawarij contemporains. Hein, les groupes de khawarij contemporains, comme les frères musulmans, comme Daesh, Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, et tous ces groupes, autres groupes d'égarement, comme Boko Haram ou autres, qui, eux, ont dépassé la limite de la charia, et qui ne respectent aucun des principes de la religion d'Allah, et qui tuent sans aucune distinction le croyant et le non-croyant. On a vu dernièrement qu'est-ce qu'ils ont fait à Médine, même juste devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les attentats. Ils ont fait sauter des bombes là-bas. Donc ils veulent tuer qui? Les ennemis de la religion? Est-ce que les ennemis de la religion sont devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? A'udhu billah. Et est-ce que c'est comme ça, le djihad? Non. Le djihad, c'est quelque chose qui est dirigé par des principes. Hein? Et c'est quelque chose qui est organisé et qui est propre. C'est pas quelque chose comme qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire. Hein? Donc ça, c'est important de le mentionner. Et en même temps, il faut que ce soit fait avec une intention sincère. Il faut que ce soit fait avec une intention qui est d'élever la parole d'Allah. Et il dit le cheikh, وَلَمَّا سُئِلَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ عَنِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ شُجَاعًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ مِنْ أَجْلِ الْمَغْنَمِ أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالْ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Le cheikh, il a dit, lorsqu'on demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'homme qui combat pour montrer qu'il est courageux, il veut montrer son courage, il veut montrer qu'il est jaloux, il veut défendre sa tribu, sa culture, son peuple, des choses comme ça, parce que il veut montrer que la force qu'il a ou la force de son comme ceux qui combattent pour la nation, pour la patrie, pour le drapeau, pour ci, pour ça. D'autres qui combattent pour le butin, c'est-à-dire quand on va faire la guerre, qu'est-ce que les ennemis vont laisser, ça va t'appartenir. À l'époque, les gens quand ils partaient à la guerre, ils amenaient toute leur richesse avec eux, tout leur argent. Parce qu'il dit, si je meurs, je ne vais pas le laisser à d'autres. Donc, ils partent au combat avec tout leur argent, donc ça fait partie du butin. Yanni. Et même, ils amenaient parfois même leurs femmes. Hein, leurs femmes et leurs enfants à la guerre pour venir voir le combat. Pour leur donner du courage dans la bataille. On dit, je ne vais pas perdre devant ma femme et mes enfants, yanni, sinon c'est la honte. Donc ils partaient et ils amenaient même leurs femmes et leurs enfants là-bas. Et qu'est-ce qui arrivait s'ils perdaient? Les ennemis prenaient leurs femmes et leurs enfants. Allah musta'an. Ils devenaient des esclaves. Donc, le cheikh il dit, donc, il y en a qui combattent, il mentionne ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Donc il y en a qui combattent pour le courage, il y en a qui combattent pour la fierté, il y en a qui combattent pour le butin. Il a dit, le sahabi pose la question, laquelle de ces choses-là est dans le sentier d'Allah? Laquelle de ces raisons pour combattre, c'est réellement dans le sentier d'Allah? Il a dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari. Donc, si quelqu'un ne combat pas pour que la parole d'Allah soit la plus haute, il n'est pas un mujahid. Il n'est pas encore moins un martyr. Aujourd'hui, maintenant, les gens ils donnent le titre de martyr ou de shahid à tout le monde. Ah, eux, c'est les martyrs les martyrs de telle guerre, les martyrs de telle guerre. Non, ce ne sera pas un martyr, sauf si ton intention, c'était de combattre fisabilillah et pour élever la parole d'Allah. Et c'est pour cette raison-là que on ne peut pas dire avec certitude de quelqu'un qui est mort dans le combat qu'il est martyr. On espère ou on souhaite hein, qu'il soit martyr, mais on ne peut pas le dire avec certitude. Hein? Tandis que chez les gens de Bid'a, tu le vois parfois dans leurs écrits. Ils parlent de quelqu'un qui a été tué, ils disent « Ah, le martyr un tel. » Quand ils parlent par exemple des Ikhwan, les Muslimoun, quand ils parlent de Hassan al-Banna ou de Sayyid Qutb, ils disent « Al-Shahid Hassan al-Banna, Al-Shahid Sayyid Qutb ». Même il y en a un qui disait, j'ai entendu dans une cassette, il y a longtemps. C'est la première cassette que j'ai, le premier audio que j'ai écouté en arabe, une khutbah que quelqu'un a fait. Puis il disait dedans, Shahidul Islam Sayyid Qutb. Shahidul Islam. Imagine. Le martyr de l'islam. Ajib. C'est comme s'il lui donne le titre, comme s'il n'y a pas d'autre martyr que lui. Ou bien que c'est le plus grand martyr de l'islam. A'ouzou billah. Donc, ils disent hein, que c'est Sayyid Qutb, par exemple. Mais il le dit avec certitude. Non, on n'a pas le droit d'affirmer ça, de cette façon-là. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. Hein. Et de toute façon, on sait que la voie qu'il suivait, ce n'est pas la voie hein, de la sunna. Non. Oui, ouais, exactement. Le hadith de l'homme, par exemple, qui combattait, il était dans le combat, il tuait tous les mouchriquins qui étaient devant lui. Chaque fois qu'il arrivait devant un mouchriq, hein, il le terrassait, il l'écrasait. Et donc les sahabas étaient éblouis par lui, étaient surpris de sa force, de son courage. Ils disaient, ah lui, c'est sûr qu'il va être au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui, il est en enfer. Alors, les sahabas étaient surpris. Il y en a un même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la personne. Il l'a suivi dans le combat. Il dit, je suis parti donc dans le combat, je le suivais pour voir qu'est-ce qui arrive avec lui. Et là, pendant qu'il faisait donc, le combat, pendant qu'il se battait, il a été blessé. Il a été blessé. Donc il s'est écarté du champ de bataille, puis il ne pouvait plus endurer la douleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la poignée de son épée par terre, puis la lame sur sa poitrine, puis il s'est laissé tomber dessus et il s'est suicidé. Alors le sahabi qui le suivait est allé voir le messager d'Allah. Il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah, annaka Rasulullah ». Je témoigne que tu es le messager d'Allah. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Que lui, il allait en enfer? Ben, je viens juste de voir. Il s'est suicidé lui-même. Il a mis l'épée sur sa poitrine, puis il s'est laissé tomber dessus. Donc, il dit, c'est pas comme si j'avais un doute, hein, en le fait que tu étais le messager d'Allah, mais c'est venu confirmer que, qu'est-ce que tu dis, c'est une révélation. Il parle pas selon ses désirs. Donc on n'a pas le droit de dire avec certitude de quelqu'un qu'il est martyr. Mais aujourd'hui, même des gens, tu vois, ils ont fait des guerres. Des fois, ils disent que c'est les guerres d'indépendance dans tel ou tel pays. Ou des guerres qui ont été purement nationalistes, qui n'ont aucun lien nécessairement avec l'islam. Ou que certaines personnes, par exemple, ils ont fait ces guerres-là au nom même au nom du socialisme, au nom du communisme, au nom d'autres idéologies de kufr. Puis ils sont morts dans cette bataille-là. Puis après, ils disent les martyrs. Hein? Alors que, Allahu a'lam, est-ce qu'ils étaient martyrs ou non? Donc, il faut pour que quelqu'un soit un vrai martyr, et qu'il ait combattu, fils abilillah, pour élever la parole d'Allah. Et c'est la même chose à propos des khawarij. Ils pensent qu'ils vont avoir le paradis et qu'ils vont être martyrs s'ils sont tués. Hein, qu'ils vont être avec des vierges au paradis. Mais ces gens-là, ils vont pas avoir de vierges au paradis. Ils vont être en enfer. Hein? Pourquoi? Parce que le prophète Sansom a dit qu'ils sont les chiens de l'enfer. Hein? Le prophète Sansom a dit, Hum kilabun nar. Hein? Donc ils s'imaginent qu'ils vont avoir le paradis alors qu'ils vont être les chiens de l'enfer. Donc de penser que ces gens-là vont avoir des vierges au paradis, là, ça c'est totalement faux. Les vierges du paradis sont pour les croyants, sont pour les gens qui sont sur la vérité, qui suivent la vérité et qui sont pas sur la bid'a, comme c'est Khawarij. Donc le Cheikh il dit, والذين تكون فيهم هذه الصفات وصفهم الله تعالى في الآية نفسها بقوله أولئك هم الصادقون. Donc ceux qui sont dans cette caractéristique, dans cette description et qui ont ces caractéristiques là, eh bien ceux-là sont, yani, comme Allah les a décrits dans le même verset, le verset 15 dans sourate Al-Hujurat, ceux-là sont les véridiques. Il dit, ولأن هذا رد على الأعراب الذين قالوا آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني أنهم دخلوا في الإسلام. أما الإيمان فلم يدخل في قلوبهم. ولذلك قيل كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. بل أحيانا يكون منافقا وهو أن يكون مسلما في الظاهر. Donc le cheikh il dit, et ça c'était en réponse à, aux bédouins qui venaient de se convertir à l'islam et qui ont dit nous croyons, et Allah leur a dit dans le verset 14 dans sourate Al-Hujurat, ne dites pas nous que vous êtes croyants, ne dites pas nous croyons, hein? Ou bien dit au Mohammed à ces gens là vous n'avez pas encore eu la foi réelle, hein? Mais dites plutôt, nous nous sommes convertis à l'islam. Et la foi n'est pas encore rentrée dans votre cœur. Parce qu'ils viennent de se convertir maintenant. Et ils prétendent que, yani, ils disent, nous croyons. Comme si ceux qui étaient musulmans parmi les muhajirines et les ansars qui sont musulmans depuis longtemps, eux qui ont été éprouvés dans la foi, qui ont fait beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts dans la religion d'Allah, Vous pensez que vous êtes égal comme eux dans la foi? Non. Vous êtes devenus musulmans, mais vous n'êtes pas encore des croyants comme ceux-là. Et donc, il dit, hein, la foi, elle n'est pas encore rentrée dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'on dit, les ulama, ils disent, c'est pas tout musulman est croyant. Tout croyant est musulman, mais pas tout musulman est croyant. D'accord? Tout musulman. Tout croyant est musulman, mais pas tout musulman n'est réellement croyant ou nécessairement croyant. Pourquoi? Parce que même c'est possible que le musulman soit un hypocrite. Il soit musulman en apparence, mais mécréant dans son intérieur. لِفَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي يَرْتَابُ فِي إِيمَانِهِ لَيْسَ مُؤْمِنًا وَالشَّكُّ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَمَّا رَجَّحَ عِنْدَهُ لِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ فيكون مثلا من الممكن أن يكون القرآن حقا ومن الممكن أن لا يكون حقا أو يمكن أن يكون هذا الرسول صادقا أو غير صادق وهكذا فهو شاك متردد فهذا ليس بمؤمن أما المؤمن فهو الصادق الإيمان ليس بمتردد ولا شاك. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que celui qui a des doutes dans sa foi, il n'est pas croyant. Et que le doute, c'est d'hésiter entre deux choses sans qu'une des deux choses soit plus forte que l'autre dans ton cœur. Comme par exemple quelqu'un qui dit par exemple, ça se peut que le Coran soit vrai, ça se peut qu'il ne soit pas vrai. Ou ça se peut que le messager soit véridique ou qu'il ne soit pas véridique. Hein? Donc ça, cette personne-là est dans le doute. Cette personne n'est pas croyante. Hein, parce que le croyant doit être véridique dans sa foi et ne pas avoir d'hésitation ou de doute. Et il dit وَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ أَنْ يَفْتَقِدَ إِيمَانَهُ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ شَكٌّ فَإِنَّهُ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَيَتَجَاهَلْ وَسْوَسَتَهُ فِي نَفْسِهِ يكتمها ولا يتكلم بها فإنها لا تضره أما إذا نطق بها ضرته. Donc le cheikh il dit, ça c'est la preuve que, yani, c'est obligatoire pour le musulman de vérifier toujours sa foi et de toujours regarder sa foi, est-ce qu'elle est correcte ou non. Et s'il trouve que dans sa foi il a un doute, alors il doit rechercher le refuge en Allah contre le shaytan. Et il doit ignorer ces doutes-là et les rejeter s'il a des suggestions qui lui sont soufflées par le shaytan dans son âme. Parfois le shaytan il vient, il lui souffle des choses dans son esprit. Et si c'était pas vrai ça, ou s'il y avait pas ça, ou si c'était pas ça, ou si ça vient du shaytan. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle les waswas. Eh bien les waswas, il faut les ignorer, il faut les rejeter, les repousser. Il faut pas leur donner de l'importance et il faut les cacher. C'est-à-dire tu les divulgues pas, tu en parles pas avec les gens. Parce que si tu le dis, ça va te faire du tort. Le Cheikh il dit: "Wal mu'minuna humul ladhina dhakara Allahu sifatihim fi awwali surati al-Baqara fa qala ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaib yu'minuna bima lam yaraw min umur al-akhirah kal jannati wan nar wa umur al-madi wal mustaqbal i'timadan ala al-khabar as-sadiq min Allah wa rasulih." Donc le Cheikh il dit que les croyants sont ceux qui ont été décrits par Allah subhanahu wa ta'ala dans le début de sourate al-Baqara, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce sont ceux qui croient en al-ghayb, c'est-à-dire l'invisible. Ils croient en ce qu'ils n'ont pas vu avec leurs yeux, parmi les choses de l'au-delà comme le paradis et l'enfer, de même que les choses du passé et de l'avenir, en se basant sur les informations véridiques qui viennent d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit fahum lam yaraw Allah ta'ala عيانا ولكنهم رأوا آياته الدالة عليه سبحانه وتعالى فأمنوا به فهم اعتمدوا في إيمانهم على الآيات والدلائل التي تدل عليه سبحانه وتعالى مثل الآيات الكونية وخلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وكذلك القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Donc le cheikh il explique que donc les croyants ils n'ont pas vu Allah, ils n'ont pas vu Allah avec leurs yeux, mais ils ont vu ces signes qui indiquent et qui prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont cru en lui et ils se sont donc basés sur leur foi sur les signes et les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans la création. Il y a plein de preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans qu'est-ce qu'il a créé. Dans les cieux, dans la terre, quand tu regardes, tu observes la création d'Allah. Observe la création des arbres, des étoiles. Observe la création de toi-même, de ta personne, des animaux. Et tout ça, c'est des choses qui indiquent un créateur, un être suprême. Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Donc, tu vois ça, tu vois la création, les signes dans la création sont clairs. La création des cieux et de la terre, la création de la nuit et du jour. De même que les preuves qui sont mentionnées dans le Coran. Et le Coran, Allah le décrit en disant qu'aucune fausseté ne peut l'approcher ni par devant, ni par derrière. Wa ala anna kalam Allah azza wa jal, ala annahu kalam Allah. Et en plus, le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, فَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم كلامه لا يشكون في ذلك وأنه دال عليه سبحانه وتعالى فهم يؤمنون بالغيب وإن لم يشاهدوه والغيب هو كل ما لم ير لا كل ما لم نره ولكننا نؤمن به اعتمادا على ما أخبرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشهادة هو ما نشاهده ونراه بأعيننا. Donc on va s'arrêter ici. Le cheikh il explique pour terminer donc le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les croyants, ils croient donc en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et que le Coran, donc, c'est la parole d'Allah qui l'a fait descendre sur son messager. Et ils ne doutent pas en cela. Et qu'il y a des preuves de cela, donc ils croient en l'invisible et tout ce qu'ils n'ont pas vu de ce qu'Allah a mentionné dans la révélation. que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Hein, tout ce qui est mentionné du rêve dans ces révélations-là, ils l'acceptent et ils y croient, même s'ils ne l'ont pas vu. Hein, et ils se basent sur qu'est-ce que Allah a donné comme information, ainsi que le messager. C'est ça le rêve, tout ce qu'on ne voit pas. Hein, et ash-shahada, c'est qu'est-ce qu'on peut voir, qu'on peut voir avec nos yeux. Ash-shahada. Non. Le témoignage, ben c'est pas la même chose, mais il y a un lien entre les deux, parce que quand tu témoignes de quelque chose, ça veut dire que c'est comme si tu l'avais vu, tu en étais témoin. Hein? Et une fois même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à un sahabi qui avait fait le témoignage de la foi, il a dit: est-ce que tu vois le soleil dans le ciel? Il a dit oui. Il a dit: de cette façon tu dois témoigner de la foi. Comme si tu dois être convaincu, de la même manière que tu es convaincu qu'il y a un soleil dans le ciel, de la même manière tu dois être convaincu de la foi en Allah et que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Al-Ghaib, c'est Ghaib ya ba. Non, ça c'est l'invisible. Le doute c'est Ra ya ba. Ra ya ba. Oui. Al-ghayb, c'est un ghayn au lieu du ra. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et on continue ce sujet demain, inshallah. Assalamu alaikum.